écoute ma voix et compte les fois où je te dirai tout bas que je reste avec toi. Endors-toi, je suis là. Endors-toi, je veille sur toi. Tes longs cheveux blonds dans mes grands yeux bleus ne me font pas dire non à chacun de tes voeux. Et malgré la nuit noire, j'ai tout de même un espoir, c'est celui de te voir endormi contre moi. Endors-toi, je suis là. Endors-toi, je veille sur toi. Vérifier sous le lit, il n'y a ni monstre ni souris. J'ai vérifié dans le lit, il y a un ange qui sourit. Tu ne dois plus avoir peur, je vais surveiller ton cœur. Tu ne dois plus avoir peur, je vais surveiller ton cœur. Endors-toi, je suis là. Endors-toi, je veille sur toi. Mais avant que vienne le jour, avant que le soleil ne nous joue des tours, nous pourrions nous offrir un détour. Nous pourrions faire l'amour. Écoute ma voix et compte les fois où je te dirai tout bas que j'ai envie. Écoute ma voix, écoute les fois, écoute ma voix, écoute les fois, écoute ma voix, écoute les fois où je